La première fois que je la vois dans le métro, elle toute blonde, je pense que c'est une touriste. Matinale. Sans doute du nord de l'Europe, avec cette peau très blanche qui fait contraste avec nos couleurs de méditerranéens. Mais non, presque tous les jours, on se retrouve dans le même wagon, à la même heure, uniquement le matin, jamais le soir. Elle monte deux stations après moi, et je ne sais pas où elle va parce que je m'arrête avant elle. Elle a l'air d'être étrangère, mais elle vit ici, c'est sûr. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Elle m'intrigue. Je me pose des questions. Elle aime sûrement la mode. Elle est toujours habillée d'une façon différente. Assez sobre, mais élégante, je trouve. Elle porte un petit sac à dos beige. Et puis parfois, elle écoute de la musique, comme beaucoup de gens. Et je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, ça la fait sourire. Un petit sourire qui n'est destiné à personne.